pitié de moi, ô Dieu, car l'homme m'oppresse. Tout le jour il me combat et me tourmente. Mes ennemis me poursuivent sans relâche. Ils sont nombreux à me désirer du mal. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je m'abandonne à ta fidélité. Que peut me faire la main de l'homme? En Dieu, mon appui éternel. Chaque jour il déforme mes paroles. Toutes leurs pensées sont contre moi pour le mal. Ils épient mes pas. Parce qu'il cherche à me faire tomber. À cause de leur iniquité, rejette-les, ô Dieu. Renverse les peuples dans ta justice.